Carolomag, numéro 285, février 2025. 1. Sommaire. 2. Édito. 3. À la une. Une nouvelle crèche exemplaire à plus d'un titre. 4. Actualité. Parking Gonzague, nouvelle modalité d'accès. Borne pour véhicules électriques. Vœux 2025, retour sur la cérémonie. Le studio La Liga se refait une beauté. Gestion des déchets, le guide 2025 disponible. La circulation autour du théâtre modifiée. Recensement de la population 2025. CCAS, des ateliers pour se familiariser avec le numérique. 5. Ardennes Métropole Le Mag. 6. Rendez-vous. À la découverte des collections grâce au musée virtuel. MOF, étincelle dans tous ses éclats au forum. Nouvelles des musées, 2025 sous le signe de l'art déco. Crue de 95, la Meuse pacifiée. Marionnettes, 2025, une année de festival. Ardennes Rock fait le forum, ça va décoiffer. La reprise des marchés des producteurs de pays. Cabaret vert 2025, la vie en bleu. 7. Agenda, les dates à ne pas manquer. 8. Sport, l'étoile enflamme l'aréna. Le CEMAT a rendez-vous avec l'histoire. L'OCPAM se réorganise. Du haut niveau sur la glace. Agenda sportif. 9. Histoire. La crue de 1995 à Charleville-Mézières, de la mémoire vive à la résilience. 10. Expression politique. 2. Édito par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. En toute indépendance. Pour nombre d'entre vous, c'est sûrement l'une des meilleures nouvelles de ce début d'année. Les lourds travaux d'extension du réseau de chaleur de notre ville sont désormais terminés. Et avec eux, les nombreux ralentissements qui nous ont tous fait pester. Pour rappel, ces travaux ont duré 18 mois, comme prévu. Le temps nécessaire pour enterrer 14 km de canalisation sur toute la partie nord de notre ville, la moitié sud ayant été équipée lors d'une première tranche. Alors certes, ce chantier a rendu la vie un peu moins facile à ceux qui empruntaient telle ou telle avenue concernée par ces travaux. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation que quasiment toutes les villes de France peuvent nous envier. Cela pour une raison simple, désormais, l'énergie nécessaire au chauffage et à l'alimentation en eau chaude de tous les bâtiments publics de notre ville proviendra de sources à la fois vertes et locales. Sachant qu'en l'occurrence, l'expression « bâtiment public » est à prendre au sens large, puisqu'elle couvre tout à la fois les propriétés communales, les logements sociaux, les écoles, collèges ou lycées, la préfecture, la CRS 23, l'hôpital, la gendarmerie, le centre aquatique Bernard Albin, la médiathèque et j'en passe, sans oublier les particuliers qui ont souhaité profiter de l'aubaine. L'énergie verte et propre utilisée à cet effet va provenir de la chaleur récupérée aux Ayvelles auprès des fonderies de Stellantis, ex-PSA, d'unités ardennaises de méthanisation ou de chaufferies alimentées avec des déchets de bois local. Résultat, nous sommes désormais à l'abri des sautes d'humeur de tel ou tel dictateur accoudé à des puits de pétrole. L'indépendance a souvent un prix, y compris en matière énergétique. Nous l'avons payé, maintenant, à nous d'en profiter. La prochaine séance du conseil municipal se tiendra à l'hôtel de ville de Mézières le jeudi 6 février 2025 à 18h30. 3. À la une. Une nouvelle crèche exemplaire à plus d'un titre. Particulièrement économe en énergie, la nouvelle crèche Simone Veil à Mézières se distingue également par un fonctionnement novateur basé sur le principe de l'itinérance ludique. La nouvelle crèche Simone Veil, située à l'angle des rues de la Vieille Meuse et des victimes de la déportation, va devenir la seule construction des Ardennes bénéficiant du prestigieux label Passive House. À surface égale, elle constitue donc très certainement le bâtiment le moins énergivore du département. Méthode de conception de bâtiment la plus aboutie sur le plan énergétique, le passif vise à utiliser au mieux les apports de chaleur solaire et interne et à les conserver à l'intérieur par une isolation très renforcée. Objectif, offrir des lieux de vie sains, au confort thermique inégalé, dans lesquels il fait doux en toute saison, sans système traditionnel de chauffage ou de climatisation, explique l'association La Maison du Passif, l'organisme qui gère cette labellisation. La crèche, ouverte début janvier, construite en 18 mois, a été conçu par l'atelier d'architecture Vincent Delsine, basé à Lille et spécialisé dans les bâtiments passifs. Ce projet s'est inscrit dans la double volonté de la ville, présente l'atelier. D'une part, édifier un bâtiment exemplaire d'un point de vue énergétique, d'autre part, proposer un équipement innovant et attractif autour de ce projet d'itinérance ludique. Des efforts récompensés. Un double défi qui s'est notamment traduit par l'utilisation la plus réduite possible de poteaux à l'intérieur du bâtiment afin de laisser libre cours à la déambulation des enfants. D'une surface de 650 m² et pouvant accueillir 24 enfants, la nouvelle crèche se distingue dès l'extérieur par sa toiture plissée et entièrement végétalisée. Toujours à l'extérieur, les murs sont recouverts d'un bardage bois en sapin de Douglas. Son ossature est elle aussi 100% bois, l'isolation étant constituée d'ouates de cellulose complétée par un doublage intérieur en fibre de bois. Pour les huisseries, le choix est porté sur des structures en bois et aluminium équipées de triple vitrage. Tout au long du chantier, des tests d'étanchéité à l'air ont été menés afin de détecter d'éventuelles fuites préjudiciables à la sobriété de la nouvelle construction. Cette isolation, particulièrement renforcée, tout en garantissant une excellente qualité de l'air aux usagers, à commencer par les enfants, garantit un besoin de chauffage réduit à sa plus simple expression. La dépense énergétique pour le chauffage et la climatisation d'un bâtiment passif est 2 à 3 fois moindre que celle d'un bâtiment respectant la réglementation énergétique et environnementale imposée au projet neuf et 10 fois moindre que la moyenne du parc existant. Résultat, une diminution considérable de l'impact du bâtiment sur l'environnement et une facture énergétique des plus mesurées pour la ville. Ici, même les pieux sont isolés. Exemple concret du souci du détail qui a constitué le fil rouge de cette réalisation, les quelques 50 pieux en béton plantés au sol pour assurer la stabilité de la construction. Une opération a priori classique lorsqu'il s'agit de bâtir sur un terrain partiellement meuble. Sauf qu'ici, les préoccupations énergétiques demeurent incontournables. Résultat, ces pieux pourtant placés sous une dalle isolée ont dû eux-mêmes être également isolés sur une partie de leur hauteur afin d'éviter la constitution d'un éventuel pont thermique. L'itinérance ludique au service des petits. Oubliez les espaces cloisonnés de l'ancienne crèche du quai Mialaret, définitivement fermée depuis le 20 décembre dernier et qui va être vendue à un investisseur privé dans le but d'y aménager des logements. La nouvelle crèche constitue un univers à part dans le monde de la petite enfance. Elle est en effet conçue pour être pleinement adaptée au principe de l'itinérance ludique. Dans une crèche classique, les enfants sont regroupés en sections en fonction de leur âge, explique Armelle Lequeux, la première adjointe en charge de la petite enfance. Ici, hormis les bébés qui sont rassemblés dans un coin cocooning, les enfants bénéficient d'une totale liberté de déplacement. Concrètement, chaque jour, le personnel propose plusieurs espaces ludiques, chacun d'eux centré sur une matière ou une activité différente, et y participe qui veut. Résultat, chaque enfant devient le propre auteur de son jeu, ravi de pouvoir sans contrainte aller voir ce qu'il se passe dans la pièce d'à côté. Les supposées tranches d'âge s'effacent, les interactions foisonnent et à en croire les parents, les enfants en raffolent. Chaque fois que je la récupère en fin de journée, ma fille a plein d'histoires à me raconter, s'étonne une maman, habituée jusqu'alors à un fonctionnement de crèche classique. Elle est du style plutôt timide, mais là, je sens vraiment qu'elle s'ouvre, c'est un vrai bonheur. Cerise sur le gâteau, la crèche Veille tend à développer l'accueil occasionnel afin d'ouvrir ses portes à un maximum de petits Carolo Masseriens, quelle que soit la situation professionnelle des parents. Un dossier subventionné à plus de 63%. La ville a pu compter sur l'aide financière de nombreux partenaires pour mener à bien ce projet exemplaire. En chiffres, la facture totale hors taxe se monte à 3 millions d'euros. L'Union européenne, via le Fonds FEDER, Fonds européen de développement régional, a apporté 717 000 euros, l'État 560 000 euros, dotation de soutien à l'investissement local et dotation politique de la ville. La Caisse d'allocation familiale des Ardennes, 340 000 euros, et enfin la région Grand Est, 300 000 euros, le tout représentant plus de 63% de subventions pour un montant total d'aide dépassant 1,9 million d'euros. Mais alors, comment inscrire son enfant en crèche ? Les 6 crèches gérées par la ville offrent au total près de 200 places. Sont accueillis tous les enfants de contribuables Carolo Masseriens âgés de 3 mois à 3 ans. Les tarifs, de 17 centimes de l'heure à 5,26 € de l'heure, dépendent des ressources et de la composition de la famille. Vous pouvez consulter un simulateur sur le site monenfant.fr. Les crèches Arar, maison de la petite enfance, Multi-accueil des Mésanges et Simone Veil sont ouvertes de 7h30 à 18h30. Les deux plus grandes, celles de Féroul et Gonzague, sont ouvertes de 7h à 19h. Sachant que si ces horaires ne correspondent pas à vos besoins, le service Petite Enfance vous mettra en rapport avec des assistantes maternelles privées. Pour les inscriptions, vous pouvez vous rendre à l'hôtel de ville de Mézières les jours ouvrables de 8h30 à midi, puis de 13h30 à 17h, ou vous renseigner en ligne ou par téléphone. Pour plus d'informations, veuillez envoyer un mail à l'adresse suivante. petiteenfance@mairie-6charleville-mézières.fr ou téléphonez à ce numéro 03 24 32 42 89. 4. Actualité. Circulation, parking Gonzague, les nouvelles modalités d'accès. De nouvelles modalités d'accès du parking Gonzague sont mises en place. Fermeture nocturne de l'espace piéton reliant la rue piétonne au parking pour prévenir des dégradations et lutter contre les squats ainsi que l'amélioration de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Le parking Gonzague constitue un point névralgique du stationnement en plein cœur du centre de Charleville. Cependant, il fait l'objet de vandalisme et de squats surtout la nuit de manière récurrente. Ces incidents engendrent des dégâts importants dans les espaces communs couverts reliant la rue piétonne au parking. Consciente de cette situation, la ville et la CSI Arizona ont décidé de restreindre l'accès aux espaces communs de 22h30 à 6h. L'accès sera possible rue Madame de Sévigné. Ces mesures visent à sécuriser les lieux tout en maintenant l'accès pour les usagers. Comment accéder au parking pendant les horaires de fermeture ? Entre 22h30 et 6h, les piétons venant de la rue piétonne devront passer soit par la rue Bourbon, soit par le boulevard Gambetta pour rejoindre l'entrée principale du parking rue Madame de Sévigné. Une caisse automatique, installée à l'extérieur au niveau 0 près de l'entrée, facilitera le règlement du stationnement. Afin de garantir un accès adapté aux personnes à mobilité réduite, de nouveaux aménagements ont été réalisés. Un ascenseur a été installé près de l'entrée rue Madame de Sévigné pour desservir le premier sous-sol, N-1. Par ailleurs, une rampe d'accès a été ajoutée pour faciliter l'accès au second sous-sol, N-2. Bornes électriques, bonne pratique. Les bornes de recharge se sont multipliées ces dernières années sur notre territoire. Cependant, ces espaces sont souvent occupés à tort. Rappel des bonnes pratiques pour leur utilisation optimale. Les emplacements dédiés à la recharge de véhicules électriques sont spécifiquement conçus pour permettre aux conducteurs de recharger leurs batteries. Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme des places de stationnement. Stationner sur ces emplacements sans recharger son véhicule constitue une infraction au code de la route. Selon l'article R417-10, cela est considéré comme un stationnement gênant, passible d'une amende de 35€ et d'une mise en fourrière du véhicule. Événement. Vœux 2025, retour sur la cérémonie. Boris Ravignon, entouré de son équipe municipale et des conseillers municipaux jeunes et adolescents, a présenté ses vœux au Carolo Massérien dimanche 5 janvier 2025, place de l'Hôtel de Ville. Extrait. En cette période politiquement agitée, le maire a souhaité maintenir cette cérémonie ouverte à tous. L'occasion de partager avec des centaines de carolomassériens un moment de convivialité autour de galettes à sucre, boissons chaudes, sur les rythmes du Tropic Carolo Combo. Avant de procéder à la remise des médailles de la ville à 6 personnalités engagées pour le dynamisme de notre territoire et à l'exposé de son discours, le maire a proposé de découvrir une vidéo de promotion de la ville réalisée pour l'occasion. Charleville-Mézières, moderne, vivante et éternelle. La vidéo est disponible sur le site internet et sur la chaîne YouTube de la ville. Le discours, traduit en langue des signes et retransmis en direct sur la page Facebook et sur le site de la ville, a permis au maire de revenir sur les grands projets 2025 et sur le travail déjà accompli par l'équipe municipale depuis 10 ans. La bataille de l'emploi. L'un des défis relevés par l'équipe municipale est celui de l'emploi. Depuis 10 ans, indique Boris Ravignon, nous avons engagé le combat contre le chômage de masse. Et de citer en exemple les emplois liés à la construction de la 3e manufacture de la maison Hermès sur l'ancien site de Deville, l'implantation de la NTS et d'Intelsia, ou encore ceux liés au tourisme ardennais dont le chiffre d'affaires a doublé. Cependant, nous pouvons et nous devons aller plus loin. En créant de nouveaux hébergements comme l'hôtel haut de gamme qui s'implantera sur notre place Ducal, mais aussi en développant le tourisme, en créant de nouveaux pôles d'attraction. Le chiffre d'affaires du tourisme ardennais a tout simplement doublé et près de 3000 emplois sont désormais liés à cette activité, rappelle le maire. Tel est tout le sens du magnifique projet que nous portons, Ardennes Métropole, la ville de Charleville-Mézières et le Cabaret Vert pour le site de la Masserienne. Combattre le chômage, cela passe aussi par l'éducation et par la formation. C'est pourquoi la ville continue d'investir dans les écoles et l'enseignement supérieur avec le campus Sup'Ardennes, désormais riche de plus de 70 formations. Avec l'extension programmée et actée du campus pour accueillir un pool de formation médicale, le territoire comptera demain encore plus d'étudiants. Embellir notre ville. Le maire a ensuite orienté son propos sur le cadre de vie. Il a rappelé le travail mené par l'équipe en place pour embellir notre ville. Rénovation de la place de l'hôtel de ville, restauration de la flèche de la basilique ou encore la réhabilitation de nombreuses friches. Comme pour les anciens cinémas, les clubs, l'ancien magasin Troussel, l'ancien collège Rimbaud, l'ancienne halle aux vêtements ou encore l'ancien hôpital Corvisart, ces plaies sont aujourd'hui pansées et le travail accompli, rappelle le maire. Transition écologique. Encourager les bons comportements dans la gestion des déchets, moderniser le réseau d'éclairage public, déployer un réseau de chaleur issu d'énergies renouvelables locales et développer les mobilités actives et le vélo, nous avons engagé résolument la transition écologique. Mais nous l'avons fait en cultivant une approche originale, l'écologie populaire, se félicite le maire. Une ville où il fait bon vivre. Une ville où il fait bon vivre, c'est d'abord une ville où chacun se sent en sécurité. La municipalité a fait sa part en équipant notre territoire de plus de 130 caméras et en portant les effectifs de la police municipale à près de 45 agents. Une ville où il fait bon vivre, c'est aussi une ville où l'on a envie de voir naître et grandir ses enfants. Une ville où les équipements et services publics reçoivent les moyens nécessaires pour demeurer modernes et attractifs. Dans quelques semaines, la nouvelle crèche Simone Veil sera inaugurée et les études pour l'aménagement d'une halte-garderie au sein de l'école Mozart seront engagées. L'année 2025 sera un excellent millésime pour nos équipements sportifs avec la remise en état de la piscine de la Ronde Couture, l'engagement du chantier du bassin nordique de 50 mètres au Mont Olympe, la réhabilitation du COSEC des Mésanges et l'implantation de terrains de foot synthétiques, deux à la Ronde Couture et un à la Varenne dans le quartier de Manchester. Une ville où il fait bon vivre, c'est une ville qui sait accueillir la fête et le monde entier, comme nous le ferons, une fois encore en 2025, avec le Cabaret Vert et le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. Une ville où il fait bon vivre, c'est enfin une ville solidaire et attentive à chacun, des plus jeunes aux seniors. Dernière initiative à destination des aînés, l'opération Chèque Senior, 20 euros pour chacun d'eux à dépenser dans les commerces des vitrines de Charleville-Mézières. Cultivons notre audace. Oui, nous avons affronté des épreuves et nous en surmonterons probablement d'autres. Mais à l'image des inondations catastrophiques que nous avons connues en 93 et 95 et que nous commémorerons prochainement, nous avons su collectivement réduire le risque de crue. Cultivons notre audace, soyons toujours volontaires et persévérants. J'en suis convaincue, le renouveau des Ardennes est non seulement possible, mais il est engagé. Nous y travaillons dur, chefs d'entreprise, acteurs associatifs, fonctionnaires et élus, appartenant aux générations qui assument actuellement des responsabilités. Pour cette ville, pour les Ardennes que nous aimons, nous sommes nombreux à tout donner. Non seulement nous devons continuer à le faire, mais nous devons faire plus, vaincre les doutes et restaurer la confiance en l'avenir. Oui, nous devons faire encore plus et encore plus vite, car en empruntant les mots de Jean Jaurès, c'est à nous de fatiguer le doute du peuple par la persévérance de notre dévouement. Que Charleville-Mézières demeure un symbole, que sa renaissance soit un formidable message d'espoir pour les Ardennes et pour la France. La cérémonie s'est achevée par la remise de la médaille de la ville à 6 personnalités. Amel Boudera, célèbre meneuse et joueuse des Flammes Carolo, depuis la saison 2006-2007, qui défendait les couleurs des flammes contre Basketland, Jean-Pierre Durin, président de l'association Courir en Ardennes, organisatrice du Sedan Charleville, Jean-Pierre Danne, président de la MCL Mabohème, Daniel Lamorlette, bénévole dans différentes associations nature et au sein des assemblées des habitants. Françoise Manise, emblématique commerçante de la rue piétonne, et Céline Rousset, juriste au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Musique. Le studio La Liga se refait une beauté. Situé dans les locaux de la Masérienne, le studio d'enregistrement La Liga, géré bénévolement par Jérôme Mébarki, vient de terminer sa mue après plusieurs semaines de travaux. Grâce aux bonnes âmes qui ont donné de leur temps et partagé leur savoir-faire, le lieu est devenu comme je l'avais imaginé, chaleureux et accueillant, expose Jérôme Mébarki à l'origine du projet de studio dont la première version avait été inaugurée en 2018. De l'huile de coude, l'infatigable Jérôme, bien connu localement pour son investissement dans le milieu social, n'en a pas manqué. Peinture, carrelage, aménagement pratique et une fresque rimbaldienne réalisée par l'artiste Jack Hart, rencontré lors de la réalisation d'un clip vidéo, tout est désormais opérationnel pour recevoir les artistes qui souhaiteraient réaliser des prods. L'homme dont le clip sur la cité de Gonzague a totalisé des milliers de vues ne peut cacher sa fierté lorsque les sourires se dessinent sur le visage des jeunes qu'il accueille à l'occasion d'ateliers d'écriture. Une expérience humaine, voire libératrice pour certains, pour lesquels la musique agit véritablement comme une thérapie leur permettant d'expulser leur mal-être et de reprendre confiance en eux, poursuit-il. Son autre petite fierté, certains de ses amis, comme Noto ou BRLZ, se sont produits sur la scène du Cabaret Vert. Plus personnellement, Jérôme, aka Aziz sur scène, rêverait de fouler un jour à son tour les planches du festival Carolo Massérien. Environnement, gestion des déchets, un guide pratique pour les habitants. La collecte des déchets est une responsabilité étroitement partagée entre Ardennes Métropole et les usagers. Afin d'y voir plus clair et de trouver des réponses à vos interrogations, le guide 2025 est disponible. Aussi petit qu'il vous semble l'être, chaque geste de collecte est essentiel pour bâtir un avenir plus durable et il est légitime de se sentir parfois un peu perdu face aux consignes de tri ou autres horaires et jours de collecte. Tout, vous saurez tout sur les déchets. Ardennes Métropole, qui a en charge la gestion des déchets, vient d'éditer le fascicule 2025 où vous pourrez avoir accès à toutes les informations sur les collectes de déchets au niveau du chef-lieu. Le document est disponible sur demande en version papier dans les accueils mairies des places du théâtre et de l'hôtel de ville. Pour les plus connectés, une version 2.0 est également téléchargeable via le site internet www.ardennes-métropole.fr. Autre bon plan, l'application Mes déchets Ardennes Métropole pour vous simplifier la vie. Une fois téléchargée, il vous suffit d'entrer l'adresse de votre domicile. Vous aurez ainsi un accès personnalisé à toutes les informations, comme la localisation des bennes à verre et points d'apport volontaire, PAV, à proximité. Le calendrier des collectes en fonction de votre adresse, les horaires des déchetteries, les consignes de tri, le formulaire pour obtenir un composteur gratuit, les jours fériés ou encore les modalités de rattrapage des collectes. L'application Mes déchets Ardennes Métropole est l'outil indispensable que vous devez avoir à portée de main parmi les meilleures applications de votre smartphone, sur l'App Store et sur Google Play. Travaux, la circulation autour du théâtre modifiée. Les travaux du futur hôtel Place du Cal impliquent des modifications de circulation et de stationnement autour du théâtre. Petit rappel. La circulation est interdite rue du théâtre entre le numéro 15 et l'entrée de la mairie. Il n'est donc pas possible de faire le tour du théâtre et ce jusqu'au 31 décembre 2026, que ce soit à pied ou en voiture. Le stationnement et l'arrêt sont également interdits sur le même tracé. Pour permettre aux automobilistes d'accéder à la poste et à la mairie dont l'accueil reste ouvert, le stationnement et l'arrêt restent autorisés entre la poste et le 15 rue du théâtre et entre la mairie et le 9, à la bijouterie. À cet effet, la circulation rue du théâtre est passée en double sens. Les voies étant réduites, manœuvrez avec prudence. Côté piéton, notez que la liaison piétonne est toujours possible entre la place du Cal et la place du Théâtre, dans les deux sens, via les escaliers des toilettes publiques qui restent accessibles aux piétons. Citoyenneté. Recensement de la population 2025. Depuis le 16 janvier, une partie de la population carolo-massérienne fait l'objet d'une campagne de recensement qui se déroulera jusqu'au 15 février 2025. L'un des 12 agents recenseurs se présentera chez vous, muni de sa carte officielle, et vous remettra un questionnaire que vous pourrez remplir ensemble. Vous pouvez, si vous le préférez, le renseigner seul et le renvoyer à la mairie, au service citoyenneté place de l'hôtel de ville, ou bien répondre au questionnaire en ligne. Pour ce faire, l'agent vous transmettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants Internet. Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. Le recensement de la population est une enquête d'utilité publique obligatoire qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. Pour rappel, les données transmises sont confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent. Plus d'informations au 03 68 89 04 80. CCAS, des ateliers pour se familiariser avec le numérique. Le CCAS, Centre communal d'action sociale de Charleville-Mézières, poursuit ses ateliers numériques gratuits pour accompagner les habitants et réduire la fracture numérique. En 2024, 111 personnes ont participé à ces sessions autour de thèmes comme la prise en main d'une boîte mail, les applications diverses, les achats sur Internet, l'utilisation d'un ordinateur et d'un smartphone ou encore la sécurité sur Internet. Ces thématiques variées sont ajustées en fonction des retours des participants, de leurs besoins, de leur niveau de compétence et des outils qu'ils utilisent. Les contenus sont adaptés, interactifs et dynamiques pour proposer un échange fluide et accessible à tous les niveaux. Les participants peuvent assister à tous les ateliers et même y revenir plusieurs fois. L'inscription est obligatoire, les plannings mensuels sont affichés au CCAS et dans les différents accueils mairies. Une initiative qui réjouit les participants. Sylviane, Marie-Josée, Janine, Evelyne, Brigitte, Mireille ou encore Sophia se réjouissent d'avoir acquis grâce aux ateliers numériques une meilleure maîtrise de l'informatique. Ce qui a grandement renforcé notre confiance en nous, précise-t-elle. Elles ajoutent apprécier particulièrement la flexibilité des horaires, l'ambiance bienveillante et l'accompagnement des conseillères qui sont extrêmement patientes et disponibles, toujours prêtes à répondre à nos questions. Selon elles, chaque étape est expliquée de manière claire et accessible et nous avons la possibilité d'apprendre à notre propre rythme. Pour nous, ces ateliers sont plus qu'un simple complément de formation. Ils répondent véritablement à un besoin et nous ont permis de franchir un cap important dans notre relation avec le numérique. Chaque année, les participants sont mis à l'honneur lors d'une cérémonie de remise de diplôme qui récompense leurs progrès et valorise leur engagement et leurs efforts. Plus d'informations au 03 68 89 04 86 ou au 03 10 23 02 54. 5. Ardennes Métropole Le Mag. Édito par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et président d'Ardennes Métropole. Saviez-vous que le mot « accueil » découle du verbe latin « colligérer » ou « cueillir » en bon français ? Schématiquement, c'est ce qu'Ardennes Métropole s'efforce de faire depuis sa création en 2014. Accueillir au mieux nos visiteurs pour cueillir en retour les fruits d'une activité touristique en plein essor. Année après année, une tendance se confirme dans ce domaine. Les vacanciers étrangers attirés par nos Ardennes viennent en majorité du nord de l'Europe. Sauf aggravation des effets du changement climatique, ce que personne ne souhaite, nous aurons toujours du mal à attirer des touristes méditerranéens. Mais nous nous trouvons tout à la fois à proximité et au sud des Pays-Bas, de la Flandre, d'une grande partie de l'Allemagne. Et je rappelle qu'en 10 ans, le chiffre d'affaires de l'activité touristique ardennaise a doublé, avec aujourd'hui près de 3000 emplois liés à cette activité. Pour prolonger cette courbe ascendante, nous devons soigner nos capacités d'accueil, donc d'hébergement. C'est tout le sens du projet qui consiste à créer un hôtel haut de gamme à Charleville, donnant sur la place du Cal. Pourquoi haut de gamme ? Parce qu'il s'agit du créneau dans lequel notre offre actuelle se révèle quasiment inexistante. Or, pour d'évidentes raisons, il ne pourrait être que bénéfique d'accueillir un nombre croissant de touristes présentant un pouvoir d'achat, lui aussi, haut de gamme. Cet hôtel doit ouvrir début 2027, mais il ne constitue qu'un exemple des efforts consentis ces dernières années par l'agglo et ses partenaires pour accroître nos capacités d'hébergement. Je pourrais en effet citer les aires pour camping-car créées à Sedan et Charleville-Mézières, le projet d'un village vacances de 180 logements à Fagnon ou l'hôtel de 200 lits prévu à la Massérienne. Sachons soigner notre sens de l'accueil, nous en recueillerons les dividendes. Le chantier du futur hôtel Place du Cal est lancé. C'est au plus tard début 2027 qu'un hôtel doit ouvrir Place du Cal. Le but de cette opération, menée entre autres par Ardennes Métropole, combler un manque préjudiciable d'hébergement touristique, milieu ou haut de gamme. Attiré par le sapin géant, la grande roue, la patinoire ou les nombreux chalets, la foule qui a fréquenté courant décembre le marché de Noël de Charleville-Mézières n'a peut-être pas prêté attention au vaste chantier ouvert à l'angle sud-ouest de la place du Cal, cours de la Criée, au pied des escaliers menant vers la mairie et le théâtre. On vient effectivement d'entrer dans la phase de réalisation de l'hôtel que le groupe Gogaï doit ouvrir fin 2026 ou début 2027, présente Patrick Faustier, vice-président d'Ardennes Métropole en charge du développement économique. Le développement économique en question, passant notamment par le tourisme, cette opération vise avant tout à fortifier une offre d'hébergement de milieu ou de haut de gamme, aujourd'hui bien trop limitée. On sait qu'entre notre patrimoine architectural, nos sites naturels, voire nos rendez-vous culturels comme les marionnettes ou le cabaret vert, nous avons la capacité d'attirer de la clientèle en nombre, surtout depuis le nord de l'Europe. Et on le fait de plus en plus. Mais avec ce manque d'offres d'hébergement de qualité supérieure, il est quasiment impossible de faire venir des touristes avec un pouvoir d'achat relativement élevé. C'est tout le projet que nous entendons développer avec cet hôtel. Un travail d'équipe. Concrètement, les travaux ont débuté au deuxième semestre 2024, mais il s'agissait alors plus de déconstruction que de construction. On a procédé au curage des bâtiments existants, détaille Patrick Faustier. C'est-à-dire qu'on les a mis à nu en démontant tout ce qui n'allait plus avoir aucune utilité, comme l'électricité ou la plomberie. La deuxième phase entamée en fin d'année sous la responsabilité d'Ardennes Métropole consiste à s'assurer de la parfaite étanchéité à l'eau et à l'air des bâtiments, voire la restaurer. Il s'agira également de remodeler les lieux, notamment en créant de nouvelles ouvertures, tout en supprimant d'autres. Le but des opérateurs, qu'il s'agisse de l'agglo ou de la foncière tourisme Grand Est, étant de remettre à Gogaï des lieux prêts à aménager. C'est en effet le groupe hôtelier qui se chargera de la dernière partie, décoration, ameublement et installation des matériels divers, notamment en cuisine. À savoir que la foncière tourisme Grand Est a été créée grâce à l'apport de fonds à la fois publics et privés provenant de la région Grand Est, de la Banque des Territoires et la Caisse d'Épargne. Cette société d'économie mixte a pour objectif de soutenir l'investissement touristique dans le Grand Est, permettre la création de nouveaux projets stratégiques et faire de la région une référence en matière de tourisme durable. Vous avez dit Gogaï ? Gogaï est une entreprise créée en 2019 par Hugues Van Isevich et Maxime Lezolnier. Première marque d'hôtellerie autonome, elle garantit des standards de qualité élevés et une expérience fluide dans chacun de ses établissements. Avec déjà 9 établissements ouverts, Gogaï réinvente l'hôtellerie dans les centres-villes français en alliant le charme de l'ancien au confort moderne. L'expérience client repose sur une utilisation intelligente de la technologie et un accès autonome dans des bâtiments entièrement rénovés, offrant ainsi un séjour unique et mémorable. Déjà présent dans plusieurs villes françaises telles que Limoges, Orléans, Tours et Arles, Gogaï met en valeur les centres-villes au riche patrimoine architectural, contribuant à leur dynamisme et à leur attractivité. 44 chambres et 4 appartements. L'implantation de Gogaï à Charleville-Mézières s'inscrit dans une logique de valorisation du patrimoine, explique Hugues Van Isevich, l'un des deux fondateurs du groupe hôtelier. La ville, avec sa célèbre place du Cal, offre un cadre historique idéal. De plus, l'absence d'hôtels haut de gamme dans le centre-ville représentait une opportunité pour répondre à une demande croissante en matière d'hébergement de qualité. Au final, les anciens bureaux de la cour de la Criée seront transformés en un hôtel 4 étoiles de 44 chambres avec un restaurant de 73 couverts, reprend Hugues Van Isevich. Quant aux locaux de l'ancien office de tourisme, toujours sur le haut de la place mais situés de l'autre côté de la rue de Mantoue, ils vont être aménagés pour proposer une salle de réception, une salle de séminaire et 4 appartements destinés à la location de courte durée. Mais créer de toutes pièces un établissement touristique dans des bâtiments dont certains sont classés aux monuments historiques n'est pas une mince affaire. Investissement total 12,5 millions d'euros. Foncière Tourisme Grand Est 8,5 millions. Ardennes Métropole 2,5 millions. Gogaï, donc l'exploitant, 1,5 millions. Et Gogaï versera en outre un loyer annuel de 500 000 euros. Boucher un trou dans notre offre hôtelière. Une récente étude a permis de comparer le parc hôtelier du bassin Carolo-Massérien à celui de villes du Grand Est d'une taille similaire, comme Colmar, Haguenau, Châlons, Épinal ou Forbach. Première constatation, numériquement, nous n'avons pas à rougir avec une capacité hôtelière approchant les 500 chambres, donc se classant dans la moyenne régionale haute. Cependant, les parcs hôteliers des 5 villes analysées proposent en majorité des hébergements de catégorie économique, voire super économique. Cette tendance est particulièrement marquée en terre carolo-massérienne avec 94% des chambres entrée de gamme et 6% milieu de gamme. Ce qui fait de la capitale des Ardennes la ville du Grand Est présentant le pourcentage le plus faible d'offres hôtelières milieu de gamme. Concernant les lignes de bus, la ligne C dessert désormais les hauteurs de Sedan et une nouvelle ligne apparaît vers le marché de Sedan. Elle va de Telonne jusqu'au Jardin Botanique et du Jardin Botanique jusqu'à Givonne. Plus d'informations sur bustac.fr. Soyons fiers de notre territoire. L'ambiance hivernale s'est installée sur le territoire d'Ardennes Métropole et si vous profitiez de cette période pour capturer vos plus beaux clichés. Partagez avec nous vos photos, monuments, parcs, lieux insolites, en ville ou à la campagne, laissez libre cours à votre créativité et à votre esprit d'artiste. Pour participer, il vous suffit de remplir le formulaire et de déposer vos photos sur ardennes-métropole.fr/partager-vos-photos/. Chaque saison, vos contributions seront mises en avant sur nos supports de communication, alors adressez-nous régulièrement vos photos. Redécouvrez les services de l'agglo. À l'occasion de cette nouvelle année, Ardennes Métropole a fait réaliser une vidéo afin de mettre en avant les compétences, les atouts, les équipements ludiques et culturels de la collectivité. Suivez le temps d'une journée, une famille sur le territoire de l'agglo. Parents et enfants, souvent sans s'en rendre compte, vont bénéficier des services et structures de l'agglo. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour visionner ce film, disponible sur le site internet d'Ardennes Métropole et sur ses réseaux sociaux. Ardennes Métropole, l'agglo à votre service au quotidien. Équipement sportif. À Sedan, le centre aquatique sera ouvert pendant les vacances du 10 au 23 février. Il y aura une après-midi récréative le mercredi 19 février de 14h30 à 16h30. Le dimanche 9 mars, le centre aquatique sera fermé aux usagers car une formation apnée sera organisée par l'Aquarium Club Sedanais. Charleville-Mézières. Le centre aquatique Bernard Albin sera ouvert pendant les vacances du 10 au 23 février. Une soirée zen sera organisée le mardi 11 février de 18h à 22h15 et une soirée karaoké le vendredi 7 mars de 18h à 21h. La piscine Ronde Couture, elle, sera fermée pour travaux jusqu'au 24 mars 2025. La patinoire Elena Isachenko à Charleville-Mézières sera ouverte pendant les vacances du 10 au 23 février. Une boom party sera organisée le mercredi 12 février de 14h à 17h30. Une soirée Saint-Valentin, bien sûr, le vendredi 14 février de 20h30 à 23h45. Une compétition short track sera organisée par la CMSG le samedi 15 et le dimanche 16 février. Un petit déjeuner sera offert le dimanche 23 février de 9h à midi. Une boom crêpe party le 26 février de 14h à 17h15 et la soirée printemps le vendredi 7 mars de 20h30 à 22h45. Plus d'informations sur équipement avec un S, ludique avec un S, .ardennes-métropole.fr. La billetterie est disponible sur billetterie.ardennes-métropole.fr. Médiathèque. Venez faire du yoga en duo parents-enfants le mardi 11 février à la médiathèque Voyelles de Charleville-Mézières, à 15h dès 6 ans et à 16h30 dès 3-6 ans, animé par Caroline Breda sur inscription. Le rendez-vous des parents aura lieu le mercredi 12 février à 10h30 à la médiathèque Voyelles de Charleville-Mézières et la thématique sera l'alimentation chez les tout-petits 0-3 ans en partenariat avec la PMI. Un escape game sera organisé par Plume, la poésie volcanique, le samedi 1er mars à 18h à la médiathèque G de l'eau Sedan et le dimanche 2 mars à 15h à la médiathèque Voyelles de Charleville-Mézières. L'escape game est sur inscription. Le vendredi 7 mars à 19h30 à la médiathèque Voyelles de Charleville-Mézières, séance en cours, thème « Droits des femmes » suivi d'un DJ set plus surprise avec la pellicule ensorcelée. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur médiathèque-métropole.fr. Conservatoire. Journée des bois le dimanche 2 mars à partir de 10h30 à Donchery, pôle culturel. Audition à la carte le mercredi 5 mars à 18h à Charleville-Mézières, Conservatoire Auditorium Patchwork Musical. Un concert aura lieu le samedi 8 mars à 18h à Sedan, temple protestant Dame de Cœur, dans le cadre de la Journée des droits des femmes. Le mercredi 12 mars, audition à la carte à 18h au Conservatoire Auditorium de Charleville-Mézières, Patchwork Musical. Audition de classe à 18h30, piano. Plus d'informations sur ardennes-métropole.fr ou au numéro suivant 03 24 32 40 56. 6. Rendez-vous. Culture à la découverte des collections grâce au musée virtuel. Les collections sont l'essence même d'un musée. Les œuvres et les objets des musées de Charleville-Mézières sont très variés. Marionnettes, sculptures, peintures, armes, vestiges archéologiques et autres manuscrits que vous pouvez désormais découvrir de chez vous. Avant de devenir un objet de collection ne pouvant plus jamais être vendu ou cédé, ce dernier passe par différentes étapes nécessaires réalisées dans l'ombre entre son acquisition et sa présentation au public. Commission d'acquisition, inventaire et affectation au musée, conditionnement, restauration, soclage, c'est-à-dire création de supports, localisation, récollement, c'est-à-dire vérification de l'inventaire, etc. Seule une partie des collections est exposée au sein des parcours permanents des musées et de leurs expositions temporaires. Nouveauté, le service des musées a développé avec la société AEA Partners un musée virtuel accessible depuis le site internet des musées permettant au grand public de découvrir les collections de chez lui. Cet espace de valorisation propose notamment des expositions sur les différentes thématiques développées dans les musées avec des objets conservés au sein des réserves. Il met en valeur les expositions temporaires par la présentation d'œuvres n'ayant pu être exposées. Il permet aussi de naviguer dans l'ensemble de l'inventaire, rendant des recherches sur des sujets précis possibles. Cet espace à destination du grand public l'est aussi pour les professionnels. Il est complémentaire de la plateforme Pop Culture, alimentée par les musées carolo-massariens, mise en place par le service des musées de France. Ce projet a reçu des financements de la DRAC dans le cadre de l'appel à projets numérisation et valorisation des contenus culturels. Explorez les collections et préparez votre visite depuis votre fauteuil en allant sur www.webmuseo.com/ws/museart/app/site/accueil. Culture toujours. Reprise des MOF avec Étincelle dans tous ses éclats au forum. Dans le cadre des marionnettes du OFF au forum, MOF, Étincelle dans tous ses états va illuminer les cœurs des petits et des grands à l'antre de la rue Jean Jaurès le mercredi 26 février à 16h. Solo de marionnettes, théâtre d'objets et d'images proposé par la compagnie Valérie La Babilote, le spectacle met en scène Étincelle, une jeune fille pétillante qui imagine son avenir et ses rêves avec la volonté forte de tout transformer. Coûte que coûte, Étincelle a décidé de dessiner sa vie telle qu'elle en a envie et tout en magie. Entre poésie réelle et imaginaire, la représentation aborde avec humour et joie des thèmes actuels comme les femmes, le travail, l'égalité. Le spectacle dure environ 35 minutes et est accessible dès 6 ans. La réservation se fait en ligne 15 jours avant et sur place le jour même à 15h45. La billetterie est libre et consciente au profit de la compagnie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Charleville-Mézières, www.charleville-mézières.fr. Nouvelles des musées. 2025 sous le signe de l'Art déco. 2025 marque le centenaire de l'Exposition internationale des arts décoratifs, événement déterminant dans la diffusion mondiale de l'Art déco. Pour l'occasion, de nouvelles brochures Ville d'art et d'histoire vous permettront de découvrir le patrimoine d'exception Carolo Massarien. Monument incontournable de la cité, l'hôtel de ville de Mézières compte parmi les joyaux de l'art déco Carolo Massarien. Partez à la découverte de son histoire, de l'hôtel de ville d'avant-guerre à la fusion en 1966, ou encore les intérieurs préservés du bureau du maire, témoignage exceptionnel des années folles et de l'entre-deux-guerres, avec la brochure Hôtel de ville de Mézières. Pour les familles et le jeune public, la brochure Explorateur Charleville Art Déco et Mézières Art Déco vous mènera à la découverte du patrimoine Art Déco de Charleville-Mézières sous forme de jeu, une manière originale et ludique de découvrir l'architecture et l'histoire de la ville. Dès le printemps, découvrez l'intégralité du programme Art Déco à Charleville-Mézières. Les brochures sont disponibles dans les musées et à l'office de tourisme. Soirée d'échange. Crue de 95, la Meuse pacifiée. Tous les Ardennais de plus de 30 ans s'en souviennent. Début 1995, la Meuse en furie débordait, envahissant routes et rues, commerces et habitations, écoles et bâtiments publics. Au sortir de cette crue, le bilan était particulièrement lourd. 12 000 sinistrés, 10 000 salariés au chômage technique, 5 000 logements et près de 1 400 entreprises inondées. Ardennes Métropole vous propose d'ouvrir l'armoire à souvenirs tout en faisant le point sur les progrès de la lutte contre les inondations accomplis avec l'EPAMA. Rendez-vous à cet effet le jeudi 13 février à 18h pour assister à une table ronde organisée à l'auditorium de la médiathèque Voyelle. Marionnettes. 2025, une année de festival. Fierté des Carolo Massarien, le Festival mondial des théâtres de marionnettes, rendez-vous incontournable pour les marionnettistes du monde entier, se déroulera du 19 au 28 septembre 2025. Comme tous les deux ans, Charleville-Mézières se transformera en une immense scène de théâtre de marionnettes où les 80 spectacles de la programmation officielle côtoieront les spectacles proposés par le OFF en salle, organisé par la MCL Ma Bohème, et le OFF de rue, organisé par la ville de Charleville-Mézières. Festival mondial depuis 1961, des compagnies venues d'Allemagne, du Bangladesh, de Belgique, du Canada, de Chine, du Chili, d'Espagne, des États-Unis, d'Iran, d'Israël, d'Italie, du Liban, de Norvège, des Pays-Bas, de Pologne, de Slovénie, de Suisse, de Taïwan, de Tchéquie, d'Ukraine seront présentes. Un focus mettra à l'honneur la création balte, Lituanie, Lettonie, Estonie, ainsi que toute la diversité de la création marionnettique française. La programmation réservera de belles surprises à découvrir tout au long de l'année sur le tout nouveau site du Pôle international de la marionnette Jacques Félix et sur les réseaux sociaux. Plus d'informations sur le site www.marionnette.com. Focus Camp. À l'occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et des 20 ans de sa création, le spectacle mythique de la compagnie Hôtel Moderne jouera pour la première fois à Charleville-Mézières. Camp est une maquette géante inspirée du camp d'Auschwitz-Birkenau qui remplit la scène, où des caméras miniatures se faufilent au milieu des baraquements surpeuplés, de voies ferrées et de milliers de marionnettes de quelques centimètres de haut. Une reconstitution historique, émouvante et haletante, exécutée d'une main de maître par la compagnie néerlandaise, dont le travail est d'une ingéniosité rare. Concert. Arden Rock fait le forum, ça va décoiffer. Amateurs de décibels et de pogos endiablés, préparez-vous. Le concert punk rock de l'année, c'est le samedi 15 février dès 19h avec trois groupes qui viendront mettre le feu dans la mythique salle du forum. Poussez les meubles et sortez vos docks car les Sales Majestés, les Washington Dead Cats et le Réparateur arrivent en force pour cette soirée qui s'annonce plus que déjantée. Sur scène, trois figures emblématiques du punk pour un concert qui risque de rester dans les annales du forum. Le réparateur ouvrira le bal et vous fera vibrer les tympans avec ses accords acérés et ses paroles percutantes. Place ensuite aux énergiques Sales Majestés, ces rois du punk sans couronne, mais non sans culot, viendront vous rappeler que dans le punk, tout est permis, surtout de s'éclater. Et the last but not least, les Washington Dead Cats, plus félins que jamais, vous démontreront leur manière de griffer les conventions, mais toujours dans la bonne humeur, ce qui vous donnera inévitablement envie de bouger. Chers punkophiles, il est temps de sortir kilt de tartan et rendez-vous dans la fosse pour un moment inoubliable. Que le pogo soit avec vous. L'entrée est à 19€ en prévente au Verbock et à la plaque tournante. Le tarif sera de 25€ sur place. Pour plus d'informations, consultez le site www.ardenrock.com ou téléphonez au 03 24 32 44 40. Vie commerçante. La reprise des marchés des producteurs de pays. Après une courte pause en janvier, les marchés des producteurs de pays reviennent à Charleville-Mézières. Même rythme, même lieu, les producteurs locaux vous donnent rendez-vous tous les deuxièmes vendredis du mois sur la place du Cal et tous les troisièmes vendredis du mois sur la place de l'Hôtel de Ville. Vous allez pouvoir retrouver les habituels produits du terroir, produits laitiers, viande, œufs, légumes et fruits de saison, miel, jus ou encore charcuterie ardennaise. Une belle occasion de consommer des produits de saison, de favoriser les circuits courts et de soutenir les producteurs du cru. À consommer sans modération. Les marchés des producteurs de pays auront lieu. Place du Cal le vendredi 14 février de 15h à 19h et place de l'Hôtel de Ville le vendredi 21 février de 15h à 19h. Pour les autres rendez-vous, des marchés se tiendront place Beauchard à la Ronde Couture les dimanches de 8h à 13h, au marché couvert rue du Daga les mardis, jeudis et samedis de 8h à 13h, place de l'Hôtel de Ville les mercredis de 8h à 13h et place de Mohon les vendredis de 8h à 13h. Festival, le Cabaret Vert 2025, la vie en bleu. Étoile planétaire, figure rassembleuse, nouveau venu à tomber, le Cabaret Vert 2025 se précise et s'affiche avec l'annonce de ses 24 premiers noms. Une Blue Edition aventureuse et vibrante à partager du 14 au 17 août dans les Ardennes. La nouvelle est aussi vertigineuse que jubilatoire. Will Smith signera son grand retour musical cet été au Cabaret Vert. Après 20 ans d'absence sur scène, l'artiste revient à son premier amour, le rap, avec un spectacle événement retraçant sa carrière musicale. Men in Black, Getting Jitty with It, Miami, autant de tubes du Prince Bel-Air que les festivaliers pourront savourer lors d'un show forcément immanquable le dimanche 17 août en clôture de cette 19e édition. Ce bouquet final est à l'image d'une programmation 2025 dont les 24 premières nuances de bleu laissent entrevoir une distribution planétaire. À nul autre pareil cet été. Jugez plutôt. Producteur électro 4 étoiles, DJ Snake, Jamie Xis, nouvelle reine du rock mondial, The Last Dinner Party, Wet Leg, Suki Waterhouse. Performeur en français dans le texte, Zao de Sagazan, Big Flo Yoli, Julien Doré. Totem indé adoré, Idols, Vampire Weekend. Rocker en pierre de taille, Queens of the Stone Age, Land, Les Prousses. Duc et As de trèfle du hip-hop français, Booba, MC Solar. Pilote de bolide allemand, SDM. Ghetto Girls, Théodora. Platine frondeuse, Sammy Virgi, VTSS, et meilleur porte-voix de la relève urbaine hexagonale, JRK19, TH, Venwan, Genesio. Un casting détonnant qui n'a pas fini d'étonner. Au programme, près de 80 artistes se croiseront cet été en bord de Meuse, l'autre tête d'affiche au festival. Bleu de peau cette année, le cabaret reste vert de cœur et veillera à tenir en 2025 sa promesse éternelle, faire danser la foule tout en sensibilisant et engageant ses convives aux enjeux de l'époque. En parallèle, les programmations cinéma, débats et bandes dessinées seront à nouveau réunies dans l'estaminet offrant ainsi une expérience pluridisciplinaire pendant 4 jours. Une 3e édition du prix BD Cabaret Vert a été lancée cet automne avec une remise des prix lors du festival. Des mots, des sons, du bleu, du vert, rendez-vous au Cabaret Vert du 14 au 17 août 2025. Vivement que la fête commence. Plus d'informations sur le site cabaretvert.com. 7 agenda. Agenda de février. Mardi 4 février à 17h, conférence La Rutière, organisée par l'association culturelle MCL Ma Bohème. Info sur mcl.mabohème@orange.fr ou au 03 24 33 31 85. Vendredi 7 février à 18h, gala au studio de danse MZ. Information sur www.lesstudiosavecunsmz.fr. Le vendredi 7 février également à 19h30, belote dans la salle arc-en-ciel sur inscription au 06 01 71 51 19. La belote est organisée par le Club des aînés de Manchester. Et à 20h, vous trouverez le festival Humour et Handicap. Un spectacle sera organisé au Forum en partenariat avec l'APF France Handicap. Le samedi 8 février à 10h, il y aura une braderie au 11 rue Édouard Branly, braderie avec des vêtements, chaussures et accessoires organisée par le Secours Populaire Français des Ardennes. Plus d'informations au 03 24 57 44 83. Le samedi 8 février à midi, un loto est organisé dans la salle arc-en-ciel sur inscription au 06 01 71 51 19 ou au 06 24 86 57 14. Ce loto est organisé par le Club des aînés de Manchester. À 14h à cette même date, il y aura aussi une rencontre entre randonneurs et pèlerins 08 à la Maison des associations de Mohon. L'idée est d'échanger autour des chemins de grande randonnée. Le samedi 8 février et le dimanche 9 février à 14h, il y aura la 40e exposition avicole au Parc des Expositions. À 19h le 8 février, il y aura le karaoké Chandler, soirée organisée par MCL Ma Bohème, tous les standards. Infos et réservations sur mcl.mabohème@orange.fr ou au 03 24 33 31 85. Le dimanche 9 février à 14h, un thé dansant est organisé au 75 Forest Avenue avec Damien Berezinski. La réservation se fait sur 75forestavenue.com. Le mercredi 12 février à 18h, une exposition-conférence nommée « Racisme et antisémitisme en images » aura lieu à l'Hôtel de Ville de Mézières. L'organisation est faite par « Stop à la haine de l'autre ». Le jeudi 13 février à 18h, une soirée d'échange sur le thème « Cru de 1995, la Meuse pacifiée » aura lieu à la médiathèque Voyelle de Charleville-Mézières. Le vendredi 14 février, de 15h à 19h, vous retrouverez le marché des producteurs de pays Place du Cal, ainsi qu'une réunion publique avec des informations sur le frelon asiatique à l'hôtel de ville de Mézières à 18h. Ceci est organisé par Ardennes Métropole. Le samedi 15 février à 19h, un concert, Le Réparateur, Les Salles Majestés, Washington Dead Cats, au Forum, organisé par Arden Rock. L'entrée est à 19€ en pré-vente et 25€ sur place. Le samedi 15 février à 20h30, c'est les soirées Valentine's Day, 75 Forest Avenue, avec la troupe Chrysalis. C'est un dîner-spectacle, sur réservation sur 75forestavenue.com, l'entrée est à 52€. Le dimanche 16 février à 11h, loto de l'étoile au Parc des Expositions. Inscription sur marketing@etoile-du6charleville.fr. Le 16 février à midi, il y aura un repas dansant pour la Saint-Valentin à la salle Arc-en-Ciel avec l'orchestre Mambo. Pour s'inscrire, il faut joindre le 03 24 37 14 17. Ce repas dansant est organisé par le Teux Loisirs Club. Le dimanche 16 février à 14h, il y aura aussi un thé dansant 75 Forest Avenue avec Fabrice Lefebvre et la réservation se fait sur 75forestavenue.com. Le mercredi 19 février à 17h30, un café deuil aura lieu au Seven Café, lieu d'échange bienveillant pour parler de son deuil. L'entrée est libre et c'est organisé par l'association Jalmalve. Le vendredi 21 février de 15h à 19h, vous retrouverez encore le marché des producteurs de pays, mais cette fois-ci place de l'Hôtel de Ville. Samedi 22 février à 20h, une conférence au fil de la vie à la médiathèque Voyelle de Charleville-Mézières sur la thématique du développement personnel, la réflexion et le ressourcement. C'est organisé par N-Studio et l'inscription se fait au 06 23 06 26 21. Le samedi 22 février à 20h30, c'est l'élection de Mister France National. La soirée se fait au 75 Forest Avenue et la réservation sur 75forestavenue.com. Le dimanche 23 février à 14h, un après-midi dansant à 75 Forest Avenue avec les complices, réservation sur 75forestavenue.com. Et mardi 25 février à 16h, un spectacle de marionnettes, étincelle dans tous ses éclats au forum. Le spectacle dure 30 minutes et est accessible à partir de 6 ans. Ce spectacle a lieu dans le cadre des MOF. Le mercredi 26 février à 19h30, une projection Un paese di resistencia de Catherine Catella et Chou Aiello. C'est une projection cinéma Métropolis. Elle est organisée par l'association Figli del Gonzaga, Enfants de Gonzague. Le mercredi 26 février à 10h, il y aura aussi le marché des producteurs et savoir-faire ardennais au parc des expositions. Il est organisé par les étudiants GACO. Et pour finir, le mardi 28 février à 20h, vous retrouverez lecture et chansons, les Anardennais, MCL Ma Bohème, l'entrée est libre et c'est organisé par la Ligue de l'enseignement des Ardennes, Terre Ardennaise et l'association Nandiral. Et ce sera tout pour l'agenda de février. En ce qui concerne l'agenda de mars, le samedi 1er mars à 20h30, ce sera le concert de la Saint-Patrick à l'association culturelle MCL Ma Bohème avec des musiques irlandaises avec The Breeches. L'entrée est à 15€ et l'info et la réservation se fait sur mcl.mabohème@orange.fr ou au 03 24 33 31 85. Mais ce samedi 1er mars, vous aurez le choix puisqu'à 20h30, il y aura aussi le concert Coldplay au 75 Forest Avenue. L'entrée est à 25€. Si vous souhaitez un billet, il faudra vous rendre sur www.billetweb.fr/coldplayed-6o-75. Et le samedi 1er et dimanche 2 mars, de 9h à midi et de 13h30 à 17h, il y aura un stage de théâtre Ludus, une rencontre avec Sandrine Gélin au Forum. Le tarif est de 60€ le stage et la réservation se fait au 06 26 68 21 03. Pour finir, le dimanche 2 mars à 9h, vous aurez une bourse, carte postale, philatélie, livre ancien, monnaie à la salle Nevers. L'entrée est à 1€ et c'est organisé par l'amicale philatélique. Et le dimanche 2 mars à 11h, le loto des flammes, parc des expositions. Ce sera tout pour le début de l'agenda de mars. Nous allons passer à l'Assemblée des habitants. Pour le secteur 1, elle aura lieu le jeudi 6 mars à 18h30, salle Guy Canon. Secteur 2, jeudi 20 mars à 18h30, salle Arc-en-Ciel. Secteur 3, jeudi 13 mars à 18h30 à l'Hôtel de Ville. Secteur 4, lundi 3 mars à 18h30 à la salle éthiopienne. Et secteur 5, jeudi 27 février à 18h30 à la salle du Bedou. La carte des secteurs est disponible sur www.charleville-mézières.fr. La programmation du TCM en février. Le mercredi 5 février à 20h, vous retrouverez la pièce « Les enfants » réalisée par la compagnie Galilée. C'est une tragicomédie sur fond de crise environnementale. Après l'explosion de la centrale nucléaire dans laquelle ils ont jadis travaillé, Hazel et Robin se réfugient dans un cottage situé à 15 km de leur ancienne maison. Les deux anciens ingénieurs ont laissé derrière eux les vaches de leur petite ferme bio et doivent désormais composer avec une vie frugale faite de repas sans viande et de coupures d'électricité. C'est une pièce de Lucy Kirkwood à l'humour noir et acéré qui pose la question de ce qui reste après l'apocalypse. C'est porté par une jeune compagnie rémoise et c'est accessible à partir de 13 ans. Vendredi 14 février à 17h30, étape de travail, théâtre-cirque, Rouge Dent. La compagnie Tendrez la nuit est en résidence du 10 au 14 février 2025 au TCM pour la création du spectacle Rouge Dent. Dans cette pièce de Pauline Peyrade, une lycéenne s'offre une paire rutilante de baskets rouges en espérant correspondre au canon de la mode en vigueur dans son établissement scolaire. Deux voix s'opposent en elle. La première, celle des injonctions extérieures, la pousse à calquer son apparence sur celle des images de magazines. La deuxième, plus intime, l'invite à explorer sa sauvagerie comme force de résistance. Au plateau, une circassienne et une comédienne incarneront cette bataille au sein d'un corps qui cherche à se découvrir dans son authenticité. Gratuit sur réservation. Le jeudi 27 février à 20h, le collectif L'Émeute nous présente l'illusion comique. Désespérée par la disparition de son fils, Pridamant consulte un magicien afin de connaître le destin de son héritier. L'illusionniste révèle la vie du fils sous la forme de figures animées. Passion, intrigue, trahison, prison, exil, le scénario aboutit dans le sang, la crise conjugale, la tragédie et le dévoilement de l'illusion. Après le jeu de l'amour et du hasard, Frédéric Cherbeuf et le collectif L'Émeute revisitent avec insolence cette pièce de Corneille à la fois baroque, virevoltante, musicale et rythmée. Cette œuvre magistrale émerge peut-être à l'insu de son auteur un art à venir, le cinéma. À partir de 12 ans. Vous retrouverez plus d'informations sur www.charleville-du-6-mézières.fr ou la billetterie TCM au 03 24 32 44 50. Animation récolte de la sève du bouleau. À l'approche du printemps, le parc animalier de Charleville-Mézières propose des animations autour de la récolte de sève de bouleau. Découvrez la technique pour recueillir ce précieux élixir lors d'une initiation d'une heure et demie au sein du parc, les mercredi 5, vendredi 7, mercredi 12 et jeudi 13 mars de 14h30 à 16h. Réservation par téléphone ou directement à l'accueil du parc de 13h30 à 17h30 tous les jours, sauf le jeudi, jour de fermeture. 8 personnes maximum par session. Le numéro de téléphone est le suivant. 03 24 57 39 84. 1000 premiers jours. Bibliothèque Porte Neuve. Le mardi 4 février à 9h, mode de garde, futurs et jeunes parents et bébés. Mercredi 5 février à 9h30, lire avec son bébé de la naissance à 3 ans. Vendredi 14 février à 9h15, signe avec bébé de la naissance à 3 ans. Mardi 18 février à 9h30, art-thérapie pour les parents. Samedi 22 février à 10h15 et 11h15, baby yoga de 3 mois à 18 mois. Et pour finir, mercredi 5 mars à 9h30, lire de la naissance à 3 ans. Point lecture pour tous de Manchester. Mardi 18 février à 10h, info allaitement de la naissance à 3 ans. Vendredi 21 février à 10h, bébé gym de 15 mois à 3 ans. Mardi 25 février à 9h, champ prénatal accessible du 2e mois de grossesse jusqu'au 3e mois de naissance. Mardi 25 février à 15h, massage bébé de la naissance à 12 mois. Mercredi 26 février à 9h, kamishibai de 12 mois à 3 ans et accessible pour les frères et sœurs. Vendredi 28 février à 9h15, motricité libre de la naissance à 3 ans. Mardi 4 mars à 10h, chanter, bouger, danser de 15 mois à 3 ans. Les infos et les réservations sont disponibles au 03 24 32 44 96 ou 1000pj@mairie-du-6-charleville-mézières-tout-collé.fr. Attention, les places sont limitées. 8. Sport. Basket. L'Étoile enflamme l'aréna. Malgré un des plus faibles budgets de National 1, l'Étoile, qui est arrivée à ce haut niveau cet été en ayant au départ bâti une équipe pour monter de N2 à cet étage, surprend agréablement. Après une période de découverte de la division, le club carolo-massarien et ses trois recrues, Kovanusit, Malonga et Clé, a vite ajusté la mire en signant 5 succès consécutifs à domicile. Le tout en produisant à chacune de ces occasions un basket offensif, spectaculaire et plein de panache qui emballe un public de plus en plus dense à chaque match. Les protégés de Jimmy Ploegaerts se sont ainsi payé le luxe d'épingler à leur tableau de chasse le leader havrais 89-88 et ses dauphins Mulhouse 100-97 et Boulogne, 100 à 97, en plus d'Avignon, 100 à 90, Berck, 94-88, et Lune-Plage, 83-71. Des clubs pourtant rodés à cette compétition. Toutes ces performances positionnaient les Carolos à la 7e place à la fin de la phase aller de la saison régulière avec la 2e attaque, 81,8 points en moyenne par match, de la poule B. Bref, le petit poussé ardennais s'est vite épanoui dans un championnat de grande qualité, donnant lieu à de sacrées empoignades sur le parquet. Et le public de l'aréna, 1800 spectateurs de moyenne avec 3 points à 2000, apprécie des joueurs qui, en plus de leur talent individuel, ont un cœur gros comme ça. Prochain rendez-vous à la Guinguette Arena le mardi 4 février 2025 contre Metz. Tennis de table. Le KMAT a rendez-vous avec l'histoire. Suite à sa première partie de saison historique, leader invaincu, accession en N1A, le Charleville-Mézières Ardennes Tennis de table tentera, lors de ce semestre, de décrocher un ticket pour les play-offs d'accession en Pro B. Rendez-vous samedi 8 mars à partir de 16h, salle Reine Bestel, pour profiter du programme que voilà. National 1A, KMAT 1 contre Levallois 1. National 3 Messieurs, KMAT 2 contre Saint-Laurent-Blangy 2. National 3 Dames, KMAT 1 contre l'Entente Le Havre-Montvilliers 1. Match de pré-national Poule 3, KMAT 3, Romigny Sport 1. Match de pré-national Poule 2, KMAT 4 contre Chevilly 1. Grand Est 2 Poule 2, KMAT 5 contre Batilly 1. Match Grand Est 2 Poule 1, KMAT 6 contre Tagnon 2. Enfin, match Grand Est 4, KMAT 7 contre Glaire 1. L'OCPAM se réorganise. Il y a du mouvement ce début d'année au sein du club de football olympique Charleville, Prix Ardennes Métropole. Le conseil d'administration a nommé sur le banc Sami Smaili en remplacement d'Hervé Papavero. Côté présidence, c'est Jerry Zuccari, partenaire privé principal, qui a repris la tête du club à la suite de Pierre Flamion, démissionnaire. Samedi 8 février, l'OCPAM devra battre le Stade de Reims pour s'éloigner de la zone de relégation. Rendez-vous à 16h, Stade du Petit Bois. Sport de glace, du haut niveau sur la glace. En février, la patinoire Elena Isachenko accueillera deux compétitions de niveau national. Samedi 8 et dimanche 9 février, c'est l'étape régionale sélective pour les championnats de France par équipe de patinage artistique qui promet un magnifique spectacle de 8h à 20h le samedi et de 8h à 17h le dimanche. Samedi 15, de 13h à 20h et dimanche 16 février, de 8h à 15h30, ce sont les patineurs de short track, patinage de vitesse, qui s'élanceront dans une impressionnante épreuve du trophée national. Durant ces deux week-ends, les sections du Charleville-Mézières Sport de Glace, bien représentées, auront de belles ambitions. Nul doute que l'ambiance sera au rendez-vous dans l'antre de la patinoire Elena Isachenko. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les pages Facebook de Coach Team Charleville pour le patinage artistique et Short Track Charleville-Mézières Sport de Glace pour le patinage de vitesse. Agenda sportif. Basket féminin. Samedi 8 juillet à 17h15, salle Bayard, le FCBA reçoit Mulhouse, match de N2. Vendredi 21 février à 20h, à la Guinguette Arena, FCBA reçoit Chartres, match de la Wonder League. Samedi 1er mars à 17h15, salle Bayard, FCBA reçoit CTC Paris, match de N2. Et à 20h, à la Guinguette Arena, le FCBA reçoit Tarbes Jess Bigorre. Basket masculin. Mardi 4 février à 20h à la Guinguette Arena, l'Étoile reçoit Metz, match de N1. Samedi 1er mars à 20h30, salle Dubois-Crancé, l'Étoile reçoit Champigneul, match de pré-national. Short track. Samedi 15 de 13h30 à 19h et dimanche 16 février de 8h à 16h à la patinoire Elena Isachenko, trophée national. Football. Samedi 8 février à 18h, Stade du Petit Bois, l'OCPAM reçoit Stade de Reims B, match de N3. Dimanche 16 février, 14h30, au Stade du Petit Bois, L'entente sportive reçoit le Chêne, match de R3. Samedi 22 février à 18h au stade du Petit Bois, l'OCPAM reçoit Valenciennes B, match de N3. Dimanche 23 février à 14h30 au complexe Robert Emler, les municipaux cheminots B reçoit le Teux, match de D3. Dimanche 2 mars à 14h30 au stade du Petit Bois, l'OCPAM B reçoit Épernay B, match de R2. À 14h30 au complexe Robert Emler, les municipaux cheminots reçoivent Bonny B, match de D1. À 14h30 toujours au stade des Banettes, le Teux reçoit l'UM, match de D3. Et à 14h30 enfin, à la Varenne, le FC Charleville-Mézières reçoit Charleville-Franco-Turc B, match de D3. Patinage artistique. Samedi 8 de 8h à 20h et dimanche 9 février de 8h à 17h, à la patinoire Elena Isachenko, sélection des clubs du Grand Est pour les France. Hockey sur glace, samedi 22 février, 17h45, rendez-vous à la patinoire Elena Isachenko, les sangliers de Charleville-Bézières reçoivent les gothiques d'Amiens pour le trophée fédéral. Samedi 1er mars à 17h45, patinoire Elena Isachenko, les sangliers de Charleville-Mézières reçoivent les lions de Vascoles pour le trophée fédéral. Enfin, dimanche 9 mars à 12h30, à la patinoire Elena Isachenko, un tournoi pour les U13. 9. Histoire. La crue de 1995 à Charleville-Mézières, de la mémoire vive à la résilience. En janvier 1995, Charleville-Mézières fut le théâtre d'une des crues les plus importantes de son histoire récente. Cet événement a laissé une empreinte durable dans la mémoire collective des Carolomacériens et a mis en évidence les vulnérabilités de notre région face aux phénomènes climatiques extrêmes. Pour autant, cette crue exceptionnelle n'était pas la première du genre dans l'histoire de la ville. La première crue documentée date de 1611 et celle-ci causa des dégâts significatifs dans la région. En 1772, une crue mémorable due à de fortes précipitations et une fonte rapide des neiges envahit de nouveau la ville. Ce scénario se répéta en 1926 ainsi qu'en 1983. 30 ans après les événements, revenons sur cette histoire qui marqua profondément l'histoire locale des dernières années du XXe siècle. Contexte climatique et géographique. Notre cité est traversée par la Meuse, fleuve dont le bassin versant s'étend sur plusieurs pays européens. Comme nous venons de le rappeler, la ville a historiquement été sujette à des inondations, mais les crues du début de l'année 1995 furent exceptionnelles. En raison de pluies persistantes et intenses, combinées à un dégel rapide, les niveaux d'eau ont augmenté à un rythme alarmant. Le sol saturé ne pouvait plus absorber les précipitations, entraînant une montée brutale des eaux. Le début de l'année 1995 fut marqué par une succession de dépressions atmosphériques provenant de l'Atlantique, favorisant des conditions météorologiques défavorables. Ces perturbations s'accompagnèrent de pluies diluviennes sur le nord de la France et les Ardennes. La Meuse, déjà gonflée par les précipitations précédentes, sortit rapidement de son lit. Chronologie des événements. Le 21 janvier 1995, les premiers signes d'une crue inhabituelle sont observés. Les rives de la Meuse commencent à être submergées, provoquant l'inquiétude des autorités locales et des habitants. En l'espace de quelques jours, le niveau de l'eau continue de grimper, atteignant des records historiques. Le 24 janvier, la situation devient critique, des quartiers entiers sont envahis par les eaux, forçant des centaines de personnes à être évacuées. Les infrastructures sont gravement touchées, des ponts sont endommagés, des routes submergées et des lignes électriques coupées. L'hôpital de Charleville-Mézières doit mettre en place un plan d'urgence pour assurer la continuité des soins. La gare est paralysée, interrompant les liaisons ferroviaires avec le reste du pays. La saturation des réseaux d'évacuation des eaux provoque un refoulement dans certains quartiers et la crue affecte également les installations de distribution d'eau potable. Comme le disait un Carolo à France 3, on a l'impression que la Meuse reprend ses droits, mais c'est nous qui avons oublié comment vivre avec elle. Conséquences humaines et matérielles. La crue de 1995 eut un impact profond sur la population. Si aucun décès direct ne fut recensé, les dégâts matériels furent considérables. Des centaines d'habitations furent endommagées, certaines détruites, laissant leurs occupants sans abri. Les commerces situés en bord de Meuse subirent de lourdes pertes et de nombreuses entreprises durent suspendre leurs activités pendant plusieurs semaines, entraînant un ralentissement économique significatif. Un commerçant témoignait : Voir mon magasin submergé, c'est comme perdre une partie de moi-même. Mais la solidarité entre voisins nous donne la force de reconstruire. L'état de catastrophe naturelle fut déclaré le 25 janvier, permettant le déblocage de fonds pour venir en aide aux sinistrés. Cependant, la lenteur de certaines indemnisations suscita la frustration des habitants déjà éprouvés par la perte de leurs biens. L'aide humanitaire et le soutien des collectivités voisines furent essentiels pour répondre à l'urgence. Réaction des autorités et enseignements tirés. Face à l'ampleur de la catastrophe, les autorités locales et nationales mirent en place un dispositif d'intervention massif. La coordination entre les pompiers, la police et les associations de secours permit de limiter les pertes humaines. Des barrages mobiles et des digues temporaires furent installés pour contenir les eaux, mais ces efforts se révélèrent insuffisants face à la violence de la crue. Après la catastrophe, un audit fut réalisé pour analyser les failles dans la gestion de l'événement. Plusieurs mesures furent préconisées, notamment l'amélioration des systèmes d'alerte précoce et le renforcement des infrastructures de protection contre les inondations. La crue de 1995 mit également en lumière la nécessité d'une meilleure coordination transfrontalière au sein du bassin de la Meuse, étant donné que ce fleuve traverse plusieurs pays. C'est pourquoi fut créé en 1996 l'établissement public pour l'aménagement de la Meuse et de ses affluents, EPAMA, qui œuvre jusqu'à aujourd'hui pour réaliser des études et des travaux afin de réduire la fréquence des inondations. Une résilience exemplaire. Malgré l'ampleur des dégâts, la population de Charleville-Mézières fit preuve d'une résilience remarquable. Des élans de solidarité se multiplièrent, des collectes furent organisées pour venir en aide aux sinistrés et des habitants offrirent spontanément un hébergement aux personnes déplacées. Cet esprit de communauté joua un rôle crucial dans la reconstruction de la ville. Aujourd'hui encore, des plaques commémoratives rappellent les niveaux atteints par les eaux en janvier 1995. Elles servent non seulement de témoignage historique, mais également de rappel des risques encourus par les habitants de cette région. Une leçon pour l'avenir. La crue de 1995 à Charleville-Mézières a constitué un événement marquant qui a transformé la manière dont la ville aborde la gestion des risques liés aux inondations. Depuis lors, des travaux importants ont été réalisés pour renforcer les berges de la Meuse et améliorer les infrastructures de drainage. De plus, des exercices réguliers de simulation d'inondations sont organisés pour préparer les habitants et les services de secours à faire face à de telles situations. 30 ans après, la crue de 1995 reste gravée dans la mémoire collective comme un moment de grande adversité, mais aussi comme un exemple de solidarité et de détermination. Cet événement rappelle l'importance de la prévention et de la préparation face aux phénomènes naturels extrêmes qui pourraient être appelés à se multiplier dans un contexte de changement climatique. Comme sur un bateau ivre, rappelons-nous ces vers d'Arthur Rimbaud. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. Écrit par Jean-François Saint-Bastien, Société d'Histoire des Ardennes. 10 expressions politiques. Faire mieux avec moins, par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. La gestion financière d'une collectivité locale n'est pas toujours chose aisée, surtout lorsque la collectivité en question ne roule pas sur l'or et qu'à l'échelle nationale, la morosité et l'incertitude budgétaire sont de mise. Malheureusement, nous cochons ces deux cases ainsi que quelques autres. Je suis le premier à le regretter, mais Charleville-Mézières fait en effet partie des villes les moins fortunées de France. Que l'on observe le revenu médian des Carolomassériens, le taux de chômage local, le pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté ou le revenu fiscal par habitant, nous faisons immanquablement partie des moins bien lotis. La faute à une désindustrialisation qui a touché de plein fouet les territoires comme le nôtre, alors centrés sur une activité unique, si cette dernière se met à battre de l'aile. Nous marquons cependant des points importants. Incontestablement, notre ville est à la fois plus active, plus belle, plus sûre et plus vivante qu'il y a 10 ans, donc plus attractive. Mais il faudra encore un peu de temps pour parvenir à renverser définitivement la tendance. Et dans l'attente, nous devons faire au mieux, c'est-à-dire utiliser de la manière la plus efficiente possible les ressources dont nous disposons, aussi limitées soient-elles. Ce souci constant d'efficacité est partagé par l'ensemble de l'équipe municipale, chacun de ses membres ayant à cœur, dans le domaine qui est le sien, de faire chaque jour mieux avec moins. La solution de facilité aurait consisté à abandonner tel ou tel pan de l'action publique municipale. Nos moyens stagnent, sacrifions la culture, comme certaines collectivités, non des moindres, ont récemment décidé de faire. Supprimons le soutien au tissu associatif ou à l'aide sociale. Sacrifier une politique publique, c'est le degré zéro de la gestion. Nous, nous avons préféré choisir une autre méthode, celle de surveiller au plus près chacune de nos dépenses courantes. Nous n'avons donc supprimé aucun service public, bien au contraire. Il y a eu certes parfois d'indispensables réorganisations, des ajustements, notamment en fonction des fluctuations de notre courbe démographique, mais la ville continue et continuera à maintenir l'ensemble de ses politiques publiques. C'est ainsi que nous parviendrons collectivement à parachever le redressement de notre ville. Budget, dette et rigueur. Par Anne Papier pour la liste Une ville pour tous. Je commencerai par un petit point d'économie nationale qui fait écho à grande échelle à l'approche budgétaire de notre ville. Cette nouvelle année voit arriver au niveau national un nouveau gouvernement et un nouveau budget prévisionnel encore en débat à l'heure où ce texte est écrit. La question qui domine ce débat est toujours celle de la dette et des moyens de la réduire. Et la réponse qui semble s'imposer sans alternative, comme à la joyeuse époque de Margaret Thatcher, est l'austérité. Cette austérité consiste essentiellement à réduire la dette en réduisant les dépenses de l'État, sans réellement envisager la question d'augmenter ses recettes. Austérité qui n'a nulle part fait ses preuves en matière d'amélioration pérenne des finances. Il faut rappeler que les fameuses dépenses publiques si critiquées permettent aux citoyens de bénéficier d'une retraite, de prestations sociales et aussi aux fonctionnaires de percevoir un salaire, entre autres. Ces dépenses publiques ne sont pas de l'argent perdu qui s'échappe dans les poches de quelques assistés vidant les caisses de l'État. Les dépenses publiques qui assurent une qualité de vie minimale aux travailleurs, un moyen de survie à ceux qui sont en recherche d'emploi, un accès aux soins, à l'école et à la justice pour tous, et un droit bien mérité à une retraite pour ceux qui ont passé leur vie à travailler, rien de bien révoltant en somme. Cet argent, toujours présenté comme une dépense excessive et de l'argent jeté par les fenêtres par les gouvernants inconscients, finance pourtant sans le moindre doute le secteur privé et les entreprises. En effet, l'argent gagné par le biais des prestations sociales, de la retraite ou du salaire des fonctionnaires sera dépensé ensuite dans la consommation de biens, les achats immobiliers, etc. et fera donc fonctionner les entreprises et l'économie. Qui dit réduction des dépenses publiques dit augmentation des injustices sociales, perte des services publics, etc. et dit aussi chute de la consommation, donc de l'activité des entreprises. Si on pousse le bouchon plus loin, moins de consommation signifie aussi moins de rentrées fiscales pour l'État, la TVA étant une des principales sources de financement de l'État, directement liée à la consommation des ménages, donc aggravation de la dite dette. La réduction des dépenses publiques est pourtant aussi le mantra qui préside au budget 2025 de Charleville-Mézières, notamment par le biais de l'optimisation du travail des agents, non-remplacement des départs en retraite, polyvalence imposée, et de la pérennisation de la baisse des subventions aux associations, puisqu'on reste sur des montants correspondant à la baisse de 2023. On peut toutefois saluer l'effort d'investissement en matière de transition écologique, notamment la rénovation énergétique des bâtiments et la remise à niveau des infrastructures sportives de la ville et des quartiers. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Par Christophe Dumont pour la liste Écologiste et citoyenne. L'année 2024 aura bien été la plus chaude jamais enregistrée, confirme ce vendredi 10 janvier l'Institut Copernicus dans son bilan annuel. Elle a même été la première à dépasser le seuil symbolique de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, niveau du réchauffement à ne pas franchir, idéalement selon l'accord de Paris 2015. Il est désormais plus question pour la France de s'adapter au changement climatique que de le combattre. Nous semblons nous résigner à un réchauffement de 4 degrés pour la France d'ici à 2050. Or, 4 degrés, c'est le seuil à partir duquel l'Office national des forêts prévoit que la moitié de la forêt du Grand Est sera en inconfort climatique. Or, notre forêt dépérit déjà à une vitesse accélérée. Et nous comptions beaucoup sur notre forêt pour stocker le CO2 et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour freiner le dérèglement en cours. À partir de plus 1,5 degré, les phénomènes se cumulent, le dérèglement s'accélère. Notre ville et notre agglomération ont une prise de conscience tardive du phénomène. Le mandat précédent, de 2014 à 2020, a été un mandat pour rien à la ville et à l'agglo en matière d'écologie. Et le mandat actuel prévoit des mesures beaucoup trop timides. Dans le domaine des transports, le principal domaine d'émissions de gaz à effet de serre, très peu est fait actuellement. La région Grand Est, dans son projet d'avis sur le SCOT Nord-Ardennes, document qui planifie l'évolution du nord des Ardennes d'ici à 2045, actuellement en cours d'approbation, juge que la partie déplacement n'est pas son fort. Le même SCOT prévoit pour l'avenir une grande liberté pour la réalisation de nouvelles zones commerciales, sans les encadrer, zones qui tuent les centres-villes, favorisent les déplacements, l'étalement urbain. D'autres territoires profitent de l'élaboration de leur SCOT pour établir un moratoire sur le développement de ces zones commerciales. Or, alors que les émissions de CO2 de la France devraient baisser chaque année pour atteindre la neutralité carbone, les rejets de la France ont augmenté au deuxième semestre 2024 par rapport à 2023, spécialement dans ce domaine des transports. Pourtant, la réduction des GES est une priorité, tant elle provoque des catastrophes naturelles plus intenses, comme les récentes crues à Valence en Espagne en octobre et le cyclone Childo à Mayotte.